Sois calme, Saint. Tu es un saint du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, je pense que le détail m'a donné la réponse à la deuxième question. Oui, à la deuxième. Je pourrais plutôt seulement continuer par la troisième question. D'accord. Oui, gloire soit à Dieu. Je suis maintenant au niveau des tontines familiales. Tontines familiales, oui. Oui. Les tontines familiales, est-ce qu'un chrétien doit assister, prêter de l'argent, contribuer et bénéficier aussi comme tout le monde? Doit emprunter, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui, emprunter. Oui. Donc, c'est toute la question. Oui, ça c'est toute la troisième question. Voilà, c'est bon. Bon, une très bonne question. Yeah. Maintenant, une fois de plus, on va non seulement on va toucher le cas des tontines familiales, mais on va toucher le tontine en général. We are going to enter into the case of general meetings and family meetings. Ok. La société est conçue. Tout à l'heure, dans la première question, j'ai dit une chose, c'est que nous avons quitté le monde avec certains principes que nous avons en nous. Et nous avons entraîné ça au milieu chrétien. I said earlier that we left the world with many things that are bad in us and we are moving in Christianity with those things. Certaines de ces choses sont bonnes. Some of these things are good. Prévues par Dieu. That have been prepared by God. Par exemple, vous allez voir un homme ou une femme qui, même dans le monde, il était gentil. So you are going to see somebody even in the world he was too nice. Ça ne veut pas dire que quand il est chrétien, maintenant il faut plus qu'il ne soit plus gentil. That does not mean that hence he become a Christian, he should not be any longer nice. Ça c'était un bon caractère. That one was a good character. Mais si quelqu'un était colérique. But if someone was a troubleman. Quelqu'un quand tu fais un petit chose il se fâche. When you do a little thing, he get angry. S'il vient dans le corps de Christ. When he come to Christ. Il faut que ce caractère soit déconstruit. He need this character to be destroyed. Donc on a beaucoup de traditions comme ça en milieu chrétien instituées par les hommes. So we have many traditions like this in Christian kingdom that have been instituted by men. Je rends grâce à Dieu pour la définition des chrétiens, pour le pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on réponde d'abord chrétien selon la Bible. I thank God for the definition of Christian, why the Holy Spirit wanted us to start by making to know Christian according to the Bible. Parce qu'à la sortie, vous allez remarquer que tout va tourner autour de cela. Because at the end of this, we are going to discover that everything will go wrong this way. Maintenant. Quand on voyage dans des véhicules, vous allez remarquer que les policiers, quand ils stoppent la voiture, on cherche les pièces des voitures. Si c'est complet, on demande la boîte à pharmacie. So, when you are traveling, you are going to discover that when the policeman breaks a car, he asks the document of the car, and if everything is complete, he's going to ask the call of pharmacie. First aid. Alors, la question c'est pourquoi la boîte de pharmacie doit être dans la voiture. The question is why first aid must be the first aid box must be in the car. Vous pouvez avoir la réponse, pas vrai? C'est pourquoi? Why? Pardon? La sécurité. Pourquoi? La sécurité. Donc ça veut dire que le first aid, est-ce que la boîte de pharmacie sécurise la voiture? Non. Est-ce que il bring the box? C'est pourquoi, mon cher? C'est pour l'assistance en cas de blessure d'accident. Voilà, voilà le pourquoi c'est là, n'est-ce pas? It's for assist the people in case of injury. Voilà, donc ça veut dire que c'est là en signe que s'il y a accident, avant que les secours ne viennent, qu'on puisse soigner. It's there so that before, if there is any accident, before the doctors who come, we start by making the first. The first, et c'est pour ça qu'on appelle ça premier secours. Yeah. Alors maintenant, rentrons dans les maisons. Il y a des maisons. So let us go into houses. Où le père ou la mère quand ils travaillent. There are houses where father and mom they work. Il y a un budget mensuel pour les remèdes. There is a monthly budget for medicine. Jusqu'à ce que chacun connaisse où les remèdes se trouvent. Until somebody knows where drugs are being kept. Dans la caisse là se trouve le remède de parlu. In that box there is fever medicine. De l'Apollo. The one for Apollo. Même pour l'alcool pour la blessure. Even alcohol for wounds. Maintenant ces remèdes là sont là alors que personne n'est malade. Those things are there. Why nobody is sick? Le remède fait quoi donc là-bas? What does medicine do there? Réponds mon frère. Le remède attend le cas de maladie. Le remède attend le cas. Maintenant ça c'est normal. But drugs, they are expecting the case of sick. Ça c'est normal dans la pensée humaine. This is normal in the human talk. Remarquez que vous avez posé une question, d'aller quelque part pour y revenir, pour vous saisissez la chose au clair. So you ask a question, I'm going somewhere so that you get it right. Donc, dans le monde, on prévoit la maladie. So in the world, they prepare for the time of sickness. Donc, ils attendent la maladie, que la maladie vient, il y a le remède. Sickness come, I will have drugs. Vous voyez? Quand viendra-t-il si la maladie vient et qu'il n'y a pas son remède là-bas? So if sickness comes and there is no medicine there. Donc ils ont invité la maladie à la maison. So they call medicine in the house. Non, sickness. Sickness, but sorry. Ils appellent la maladie à la maison. They call sickness in the house. Parce qu'ils ont mis ce qu'il va combattre. Because they have prepared what they are going to. Gardez la définition du chrétien que j'ai donnée dès le départ. Remember the definition of Christian. Alors, ça se trouve donc chez les non-croyants. So now it is found in unbelievers' place. C'est normal parce qu'ils ont l'attribut de leur père. It is normal because according to their father. Ils n'ont pas d'espérance. They don't have any hope. Ils doivent compter sur les relations. They must count on relationships. Sur les techniques humaines. In human techniques. Mais la question maintenant c'est. The question now is. Qu'est-ce que ça fout chez les chrétiens? Now what does it do? In a Christian house. Donc notre définition de chrétien aujourd'hui pose problème. Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Because we have the power of the Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. The name of the Lord. Nous citons cela que the name that is above all names. Mais nous comptons sur les remèdes. But we believe in count on drugs. Pourtant nous avons l'espérance de la vie éternelle. So we have hope. Un grand Dieu qui guérit, a great God who heals, qui sauve, who saves. Et nous allons chez le non-chrétien pour lui prêcher ça. We'll go to the unbeliever to preach him this. Lui là, c'est remède à la maison. He has immense drugs in the house. Moi qui suis sorti, j'ai aussi les mêmes choses à la maison. Le non-chrétien, lui, il a pris les remèdes, ça ne lui donne pas la guérison, mais tu lui dis que Jésus peut guérir. Le témoignage que nous avons à la maison montre que nous ne prêchons pas la vérité. The testimony we have in the house shows that we don't preach the truth. Que notre confiance ne repose pas sur le travail accompli à la croix par notre Seigneur Jésus. The finished work of the Lord Jesus Christ. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'est pour cela qu'on a ça, on a l'appui humain. Et la Bible déclare que malheur à celui qui s'appuie sur les bras de la chair. That's why we have this thing by our side, and the word of God says, woe to the person who rely on the hands of the flesh. Donc on est chrétien de nom, mais on n'est pas chrétien par la foi. We are Christian by name, not by faith. Ok, c'est bien saisi. So we'll get it, you know, eh? Il en est ainsi de ce qu'on appelle dans les caisses de prévoyance sociale. It is the same thing what we call social insurance fund. Lorsque les gens travaillent, on prend un perçoit de ces sommes-là pour mettre quelque part dans une caisse. When people are working, they take some amount of money, they keep it aside. C'est pour dire que lorsqu'ils seront vieux, so that when they will get old, ils ne seront plus capables de travailler. They will not be able to work. Ils vont venir prendre une pension pour pouvoir manger. They will take some money there and eat. Chez les mondains, c'est normal. For the worldly people, it's normal. Mais ma Bible me fait comprendre, à moins que ça ne soit pas dans ta Bible. But my Bible makes me to understand and say it's not in your Bible. Dans Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par sa foi. That the righteous shall live by faith. Je ne sais pas si c'est compris. I don't know whether you understand. Le juste doit vivre par sa foi. The righteous shall live by faith. By faith. Vous saisissez les frères? Donc, ça veut dire, je ne dois pas compter sur quelque chose que j'ai gardé. Je ne dois pas appuyer ma confiance là-dessus. I will not rely on something I kept. I will not put my trust on it. La caisse de prévoyance sociale est dans le pays. The social insurance fund is in the country. C'est ce que le pays peut faire. It's what the country can do. C'est normal pour eux. It's normal for them. Dans une petite échelle. In a small area. C'est ce qu'on appelle donc les tontines. It's what we call Njangi. Njangi. Donc c'est le but même du tontine, parce qu'il n'y a pas de tontine sans argent. It's the goal of Njangi because there is no Njangi without money. Parce que ces réunions-là, voici la pensée se cache derrière ces réunions. This is the thoughts that are hidden behind the meeting. J'ai des problèmes, tu m'aides. I have problems, you have to si quelqu'un a des problèmes, If somebody has a problem, on puise dans cette caisse pour l'aider. They carry money there and help him. Ce n'est pas la foi, ça. It's not faith. Vous voyez là où on se retrouve, n'est-ce pas? You see where we found ourselves? Aucun chrétien, vous voyez, aucun chrétien dans la Bible qui se relaie sur les choses humaines. No Christian in the Bible relies on human things. Ils comptent sur le Seigneur qui pourvoit à chaque instant de leurs besoins. They count on the Lord who provide at any occasion. Donc maintenant, si on a une réunion familiale qui vise seulement à réunir les gens pour qu'on se connaisse mieux. So now if we have family meeting, we simply gather people for them to know more themselves. Parce qu'il y a des conflits dans la famille, des réunions. On a besoin de réunions pour pouvoir résoudre ces choses-là. Because there are sometimes problems in the family that they need to gather family to solve them. Là, c'est une chose. That is one point. Parce que les familles doivent se réunir. Because family should gather. Nous avons dit par exemple ici qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. And we see in the Bible that it is good for the brethren to dwell together. Ça, c'est le principe divin. This is divine principle. C'est pour cela que le corps est uni. That's why the body is united. Notre corps physique. Our physical body is united. Les mains, les pieds sont joints dans un seul corps. The hands, everything are tight in the same body. Mais comme nous nous réunissons comme ça au nom du Seigneur, as we gather like this in the name of the Lord, dès que l'argent entre, hence money enters, vient maman. And then mammon comes in. C'est 99% le problème de l'église aujourd'hui. It is 99% the problem of the church today. Si on invite un pasteur pour qu'il vienne prêcher, we invite a pastor to come and preach. Faut qu'on paye son carburant. We need to pay his fuel. On paye son hôtel. We need to pay his hôtel. Ainsi de suite. And all the rest. Et maintenant, et la vraie prédication se tourne maintenant autour de la richesse et des bien-être. And all the preachings are now around the riches and the welfare. Et par conséquent, il faut qu'il vous pousse donc à donner. And it now to push people to sow. Vous voyez donc la réunion qui est censée amener Jésus au milieu, amener Mammon au milieu. You see that the gathering that was supposed to bring in Jesus is now bringing Mammon. Lorsqu'on prend n'importe quelle verset, on tourne autour du bien-être matériel. So when we take any verse, we turn around books. Comme si Dieu était limité par le matériel. If God was only limited by material. Ou bien comme si Dieu appelait les gens en milieu chrétien seulement pour leur donner le matériel. Like if God was calling people in the Christian area to give them material. C'est une chose terrible qui se passe en milieu chrétien. It is a terrible thing that happened in the midst of the church. Mammon. Mammon. Donc lorsqu'on se réunit en tant que famille, c'est une bonne chose que de trouver le Fils de Dieu qui est un chrétien doit être là pour donner la pensée de Dieu. So if we gather as a member of family, it is a good thing. And the Christian, the son of God that is in that very family meeting, must bring in the mind of God. C'est l'occasion d'être tranchant et de dire la vérité, la position de Dieu par rapport à tout ce qui se pratique. And it is the opportunity to that child of God to set the position of God to that family. Beaucoup de nos familles sont inondées dans l'idolâtrie, dans le culte des crânes pour les gens de l'Ouest, dans le culte des eaux pour les gens qui sont dans le littoral. And many of our families are sunk in idolatry, like in the Western Province, store worship, and in the South, l'esprit des eaux. Yeah, water spirit, marine spirit. Alors, lorsque l'enfant de Dieu se présente là-bas, il doit leur dire clairement que tout ce que vous servez le diable. Then when a child of God comes there, he must make them to understand clearly that they are serving the devil. Parce que souvenez-vous que le Seigneur a dit que c'est vous qui êtes la lumière du monde. So remember that the Lord Jesus said, you are the one who are the light of the world. Et il a dit qu'une lumière, on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le chandelier. And remember, he said they don't light a lamp to put it under the bushel. Sous le boisseau. Donc on le met sur le chandelier et ça éclaire tous ceux qui sont dans la maison. But he said they are going to put it on the candlestick. A candlestick so that it will light all their house. Et par conséquent, quand un enfant de Dieu est quelque part où il y a l'obscurité, il doit éclairer. And when a child of God is where there is darkness, he must shine forth the light. C'est pour ça que dans une réunion familiale, l'enfant de Dieu ne va pas là-bas comme des autres. It is why in a meeting of a child of God, in the meeting a child of God does not go there like others. Ça c'est pour la réunion familiale. That is for family meeting. Maintenant pour la réunion hors de la famille, comment ce qu'on appelle njangi. And for the meetings out of the family. What we call les gens quittent franchement le culte comme ça pour courir rapidement parce qu'il faut pas qu'ils ratent la tontine. And people leave the church very early because they don't want to miss Jangi in the quarter. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur l'argent qu'on doit bouffer. Because they count on money that will be taken. les chrétiens vivent donc dans le mensonge. Donc, so Christians are living in lies. Quand il ne peut pas rembourser de l'argent, il ment. When he cannot give back the money, he is going to lie. On vient pour le chercher à la maison. Le secrétaire vient chercher à la maison, dit que je suis pas là. And when the secretary comes to the house to look for him, he'll tell his children, tell the man I'm not around. Et quand il ne ment pas, and when he does not lie, il se trouve sous un joug étranger. And he will going to find himself under a strange yoke. Dans une réunion mondaine, in a worldly meeting, il y a un franc-maçon parmi. There is a friend. Un Rosicrucien parmi qui fait aussi la réunion. Un marabout parmi. La sorcière du quartier qui vous fait le voyage astral. Et généralement avec les Alamimbu. Ils sont réunis. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Tu fais quoi au milieu d'eux? Regarde quelqu'un qui dit tu fais quoi au milieu d'eux? Quelle part a la lumière avec les ténèbres? Which part does life have with darkness? Quelle part a Christ avec Bélial? What does Christ has with Bélial? C'est ce que la Bible pose comme question dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17. That is the question. Bible is asking in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Donc l'assistance d'un chrétien dans la réunion mondaine est totalement exclue. So the presence of a Christian in a worldly meeting is bound. Ça c'est clair dans la Bible. It is clear in the Bible. Parce que lorsqu'on va tourner, le franc-maçon va lui donner l'argent de son père. But when we are going to go forward, franc-maçon man is going to come and give the money of his father. Et par conséquent, quand tu bouffes la réunion, and when you take in the jangui, tu as la somme de tous les esprits. You have the contribution of all the spirits. Pour aller faire le business avec au nom de Jésus. To go and do business in the name of Jesus. Et tu vois que tu es dans les dettes. And then you find yourself in debt. Tu ne sais pas que tu es entré dans les ténèbres toi-même. You don't know that you have entered darkness by yourself. Parce qu'on compte que si je bouffe 300 000, because they count that if I eat 300,000, j'ai pas vu à faire ma fondation. I can do my foundation. Mais la Bible déclare, but Bible says, celui qui s'appuie sur l'Éternel, that's nobody who rely on the Lord, trouve un appui favorable. Is going to find a good stand. Et la Bible déclare que heureux ceux qui se confient en lui. And he said, blessed are those who trust in him. Il dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. That young lions, they have hungry and thirsty. Mais ceux qui craignent l'Éternel, but those who fear the Lord, ne sont privés d'aucun bien. They are not going to be abandoned. Lorsque le juste crie, when the righteous cry unto the Lord, l'Éternel entend. The Lord is going to listen. Et il le délivre de toutes ses frayeurs. And he's going to set him free from all his trials. Donc une fois de plus, and one more time, c'est parce que les gens de ces siècles, ceux qui se disent chrétiens, ne sont pas connectés à Dieu de la bonne façon. Those of this world that are not those of this world that call themselves Christians are not connected to God in the right way. Et par conséquent, comme ce n'est pas une chrétienté de relation, as it's not a Christianity of relation, ils peuvent donc se relayer sur les principes humains. So now they can base themselves on human principles. Et non se relayer sur la foi dans le travail du Seigneur Jésus. And not attach themselves in the work of in the work of the Lord Jesus Christ. Et par conséquent, on appelle Jésus. And now we call Jesus. Sans croire qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. And without believing that he can do what he say he can do. Mais le problème c'est que tu ne dis pas que je ne crois pas. The problem is that you don't open your mouth to say I don't believe. La pratique, l'œuvre que tu fais montre que tu ne crois pas. But your action shows that you don't believe. Amen. Amen. Voilà pour ce qui est de cette réponse. Que Dieu vous bénisse. That is for that answer. Mm-hmm.